L'auteur, hafizahullah, nous dit Ahadithu al-salah, des hadiths concernant la prière. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام parle directement à ses compagnons, ceux qui vivent avec lui et qui prie derrière lui, et qui le voit accomplir cet acte d'adoration. Et ça, c'est une règle dans l'islam, que toute œuvre, elle doit être en conformité avec la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est aussi une preuve. Là, il est parlé de la salat, mais pour toutes les œuvres. On a aussi l'exemple du hajj, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, « L'ta'khudu anni manasikakum » que vous preniez de moi vos rites de pèlerinage. Donc toute œuvre, elle doit être dans le suivi et selon la tradition et selon l'agissement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Donc pour faire la prière, on se doit d'apprendre comment le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait la prière. Et les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, nous ont rapporté comment le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait la prière. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala ahadukum al-masjid, fal yarka' rak'atayni qabla an yajlisa, wa tusamma tahiyyatul masjid, rawahu al-Bukhari. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lorsque l'un d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il fasse deux rak'at, une prière de deux unités de rak'at, avant de s'asseoir, rapporté par Al-Bukhari. » Et ces deux rak'at, on les appelle les salutations de la mosquée. Donc ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on n'a pas le droit de s'asseoir lorsqu'on entre dans une mosquée si on n'a pas fait ces deux rak'at. Quelques règles concernant ce point. Si la personne entre et les gens sont dans une prière obligatoire, il se doit de rejoindre directement le groupe. Et il n'aura pas à recommencer ou à faire plus tard les deux rak'at. Puisque l'interdiction, c'est de s'asseoir avant de prier. Et là, cette personne a accompli une prière obligatoire. Donc, il ne s'est pas assis avant d'avoir accompli une prière. Et là, en l'occurrence, c'était la prière obligatoire. De même, pour une salat sunna qui se fait en groupe, comme par exemple le tarawih, il entre dans la mosquée, les gens sont en prière de tarawih, il n'a pas besoin de faire ses deux rak'at, c'est-à-dire dans la mosquée, il entre directement avec le groupe. Hein? Et il n'aura pas besoin, puisque le problème là-dessus, c'est quoi? C'est de s'asseoir sans avoir fait la prière. C'est s'asseoir dans la mosquée sans avoir accompli une prière. Et elle est tellement importante que même pour le vendredi, quand l'imam il est sur le minbar en train de faire son prêche, on se doit de faire les deux rak'at. Bien qu'on ne doit pas les allonger à ce moment-là bien précis, mais on les fait quand même. Alors qu'il nous est demandé pendant la prière du vendredi, pendant le prêche de l'imam, de ne pas bouger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est distrait celui qui a bougé les petites caillasses. Comme il priait à même la terre, donc il y avait des caillasses, si quelqu'un s'amuse à toucher ses caillasses ou à toucher le sable avec sa main, il aurait été distrait pendant sa prière du vendredi. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas dire à quelqu'un de se taire. Alors que cette personne a fait un acte qui est interdit pendant la khutbah, il n'a pas le droit de parler. Mais si tu lui dis tais-toi, ben tu as été distrait dans ta prière du vendredi. Tu n'as pas à lui dire. Tellement que c'est important d'être concentré pour écouter la khutbah de l'imam. Et avec cela, le prophète enfin nous dit de faire quand même les deux rak'at. C'est pour vous montrer l'importance. Et ces deux rak'at, sur la vie le plus sûr sur cette question, se font aussi pendant les horaires où il est interdit de prier. où il est interdit de prier, comme après salat al-subh jusqu'au lever du soleil, après la prière de l'asr jusqu'au coucher, j'avais dit quoi avant? Jusqu'au lever du soleil, et là jusqu'au coucher du soleil. Ces moments-là où il est interdit de prier, il est voulu une prière voulue de toi-même. Une prière surrogatoire qui est voulue de toi-même. C'est toi qui as envie de faire des prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moments-là te sont interdits. Mais cette prière-là, elle sort de cette règle générale, parce que c'est une prière qui a été causée par ton entrée dans la mosquée. On a déjà vu ça dans un cours précédent, mais c'est un rappel. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilayha. Rawah Muslim. Dans ce hadith rapporté par Muslim dans son authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas vers elles. Donc, c'est un lieu qui n'est, c'est pas un lieu de rassemblement pour s'asseoir, pour discuter ou pour autre chose. Non. C'est un lieu, le cimetière, parce qu'en général les tombes sont dans des cimetières, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu de rappel, d'exhortation. Il est légiféré de visiter les tombes selon la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, bien que dans les premières époques de l'islam, le prophète alayhi salatu wa salam leur avait interdit la visite des tombes. Puis, il leur a permis plus tard en leur disant que cela rappelle l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur. فَزُورُوهَا فَإِنَّا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةِ. Je vous avais interdit la visite des tombes, visitez-la, car elle vous rappelle l'au-delà. Mais ce n'est pas un lieu où on vient à s'asseoir pour discuter ou pour autre chose. Ou alors, s'asseoir sur la tombe parce que ça tombe d'un proche en pensant qu'il y a un lien qui va se créer ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est des actes qui sont interdits. De même, de prendre la tombe comme direction pour la prière. On n'a pas le droit de le faire. Et les cimetières ne sont pas un lieu de prière. Bien qu'il est permis de faire salat al-janaza dans les cimetières. On a le droit de faire salat al-janaza dans les cimetières. En dehors de cette prière, on n'a pas à faire de prière là-dedans. Et que dire lorsqu'on voit, on sait qu'il y a des gens qui ont fait de certaines mosquées des lieux où il y a des tombes. Où il y a des tombes. Et ça, c'est un acte interdit en islam, qui amène au polythéisme. Et la prière de celui qui l'a accompli dans une mosquée où il y a une tombe, elle est invalide. Elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs et les chrétiens parce qu'ils prenaient les tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints comme lieu de prière. Et il nous l'a interdit de le faire. Ça n'a pas empêché que dans beaucoup de pays musulmans, on se retrouve avec des mosquées où il y a des tombes, surtout des vieilles mosquées, et il y a des tombes là-dedans. Mais les mosquées qui ont une tombe, c'est grave, mais il y en a une partie qui est plus grave que l'autre. Un lieu de culte où il y a des tas de tombes, et on y a introduit une tombe, c'est grave, on n'a pas le droit de le faire. Mais pire que cette action-là, c'est de construire une mosquée sur une tombe. Parce que le premier, c'était déjà un lieu de culte. C'était le lieu de culte qui était voulu, et non pas la tombe. Et la tombe a été introduite plus tard. Alors que l'autre, on a choisi cet endroit-là pour la tombe. Donc c'est pire. Mais dans les deux cas, on n'a pas le droit de prier dans une mosquée où il y a des tombes. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté aussi par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'iqama est faite pour la prière, il n'y a plus de prière si ce n'est celle qui est prescrite, c'est-à-dire l'obligatoire. Cela veut dire que depuis le moment où il y a eu l'iqama, on n'a plus le droit de faire de nafila. À ce moment-là, on n'a pas le droit de faire de nafila. La seule prière qui nous est permise, c'est l'obligatoire. Donc, on va directement rejoindre les rangs pour faire, pour être prêt, pour pouvoir suivre l'imam dans sa prière. Maintenant, quelqu'un qui a commencé une nafila avant l'iqama. Et entre-temps, il y a l'iqama qui est faite. Il y a des savants qui disent, il quitte directement sa prière. Directement. Il rejoint en prenant textuellement le hadith. Il a une prière, il y a l'iqama, il n'a plus le droit d'être dans une nafila. Il rejoint directement l'imam. D'autres ont détaillé en disant que si le début de la nafila, il la quitte pour pouvoir prier avec l'imam. S'il a la fin de sa nafila, il a la fin de la nafila, et il sait que il va rattraper l'imam dans sa première raka'a, alors il la termine, puis il rejoint l'imam dans sa prière. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا رواه مسلم وقال قال المؤلف حفظه الله النهي عن الصلاة وكمه مشمر أو ثوبه ذكره النووي رحمه الله تعالى dans ce hadith rapporté aussi par مسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il m'a été ordonné de ne pas retrousser mes manches. De ne pas retrousser les manches d'un vêtement rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, explique cela en disant l'interdiction d'accomplir la prière alors que le manche est retroussé ou le vêtement est retroussé. Donc, si quelqu'un, par exemple, à ces manches qui sont retroussées ou un vêtement qui est retroussé, et tu vas enlever cela pendant la prière. Quelqu'un va me dire, oui, mais c'est trop long. Eh bien, à l'origine, il n'aura pas dû être long. Donc, normalement, il ne doit pas être long, le vêtement. Voilà. Donc, on voit bien le hadith du prophète, alayhi wasallam, là-dessus. Taïm. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aqimu sufufakum wa tarassu. رواه البخاري قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاري donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alignez vos rangs et soyez bien serrés les uns des autres rapporté par al-Bukhari. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, de dire, et l'un d'entre nous collait son épaule à l'épaule de celui qui est à côté de lui, et son pied au pied de celui qui est à côté de lui, rapporté par Al-Bukhari. Et on voit bien que ça, c'est une des sunnas dans la salat, c'est que les rangs soient bien alignés. Qu'ils soient bien alignés, qu'ils forment un rang droit. Qu'ils soient pas tordus, le rang. Qu'ils soient bien droits. Mais à l'origine, les gens n'avaient pas de traits ni de fils pour pouvoir aligner les rangs. Ils le faisaient d'eux-mêmes. Si les gens collent bien leurs épaules et collent bien leurs pieds en prenant en considération les talons, parce que les pieds des gens, c'est pas les mêmes. Hein. Si on suit les orteils, il y en a un qui fait du 45, l'autre qui fait du 38, on va voir qu'il y en a un qui sera décalé par rapport à l'autre. Subhanallah. Alors que si c'est par les talons, bon, le pied va se dépasser par rapport à l'autre, mais les corps, ils seront droits. Les corps, ils seront droits. Donc, de bien s'aligner. Quand on le fait, on n'a plus besoin ni des traits, ni des fils, bien que ça a été fait pour aider les gens. Et même avec ça, ben, les rangs ne sont pas bien faits, subhanallah. Même avec ça. Ça, c'est un point. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, lui, il voit que ça, c'est demandé avant de rentrer dans la prière, c'est-à-dire quand l'imam, avant de dire Allahu Akbar, il demande aux gens de s'aligner, et bien les gens ils le font, ils collent leurs épaules, ils collent leurs pieds, ainsi de suite. Mais pendant la prière, Cheikh Al-Uthaymeen, il voit que ce n'est pas demandé. Il n'y a pas besoin que pendant toute la prière, on soit complètement collé. D'autres ulama, eux disent, si c'est demandé pendant toute la prière. Pendant toute la prière. Pourquoi je vous ai ramené l'opinion de l'Uthaymeen? Je l'ai fait exprès. Pour pas qu'on comprenne mal ses paroles. Parce qu'il y en a, ils vont croire que l'Uthaymeen dit qu'il ne faut pas. Non, l'Uthaymeen, il dit pendant la prière, on n'a pas besoin de le faire. Mais avant de faire la prière, pour l'alignement des rangs, pour l'alignement des rangs, il faut le faire avant la prière. Bon, maintenant, comment on colle? Parce que des fois, il y a des personnes, elles ne savent pas. Je colle celui qui est à ma droite ou celui qui est à ma gauche? Hein, ça arrive à tout le monde de se poser la question. Quand il y a, surtout quand il y a de l'espace, il ne sait plus qui coller. Hein, on colle par rapport où il est l'imam. L'imam, il est là. Donc, il y a le rang qui se fait. Celui qui rentre de ce côté, qui vient se ranger de ce côté, eh ben, il collera celui qui est de ce côté-là. Et celui qui rentre par ce côté-là, il collera celui qui est là. Par rapport à l'imam, on se rapproche de l'imam. Sauf si on est dans une mosquée où il y a un rang, on sait qu'il faut, ben, ils ont l'habitude de commencer par là-bas, donc là, on collera plus par là-bas. Mais sinon, d'un point de vue général, on le fait par rapport à l'imam, parce qu'on doit être derrière l'imam, et c'est lui qu'on doit coller. Et chacun le fait. Chacun le fait. Moi, je colle celui qui est à tel endroit, et l'autre, il doit faire pareil, et l'autre, il doit faire pareil. On fait tout cela, et le rang, il est bien serré, et il est bien aligné. Une autre chose, il ne nous est pas demandé pendant la prière d'écarter les jambes. Ah, il y en a, il met un pied là, l'autre il s'écarte, il remet un pied là, à la fin il va se retrouver avec un grand écart. Hein? Ça, c'est pas demandé. Ça ne fait pas partie de la sunna dans la salade. L'écartement des jambes, c'est un écartement normal. Quand quelqu'un est debout, normalement, il n'a pas les jambes serrées et il n'a pas les jambes trop écartées. Normalement, un écartement normal. Par rapport, ça c'est selon, par rapport au poids et... de la personne, l'essentiel, c'est un écartement normal. Il n'y a pas besoin de... Parce qu'il y en a, ils le font, ils croient qu'il faut le faire. Il colle un pied là, l'autre il s'éloigne, il le suit. Hein, on voit des gens le faire, et ça ne fait pas partie de la sunna. C'est une erreur. Taïm. Et la parole de Anas ibn Malik, elle est rapportée dans le Bukhari. « Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, lorsque l'iqama est faite pour la prière, c'est-à-dire quand les gens, ça y est, sont en train de prier, venez à cette prière. Pour ceux qui ne sont pas encore dans les rangs, ne venez pas en courant, en vous précipitant, mais venez-y en marchant. Donc, celui qui est en retard, il est déjà en retard. Donc, il n'a pas à courir, ni à s'empresser, il marche normalement pour atteindre les rangs. Pour ne pas être trop essoufflé, il ne sera pas bien concentré pour sa prière. Donc ce n'est pas une bonne chose de courir. Et des fois, dans des grandes mosquées, hein, ça perturbe. On est en prière, on entend le bruit des gens qui courent pour attraper un recours pour atteindre le rang. On n'a pas besoin de le faire. On le fait en marchant. C'est contraire à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on y vient avec quiétude, tranquillité. Ça y est, on est déjà en retard, c'est déjà fait. Maintenant, on vient tranquillement à la prière. Et ce qu'on a attrapé avec l'imam, ben on va le faire avec l'imam. Et ce qui nous manque, ben on va le rattraper après. Alors, ce qu'on va rattraper, ça c'est une question qui est importante. Comment on fait pour compter les rak'at? Comment on compte la première par rapport à celui qui lui manque quelque chose dans sa prière? Est-ce qu'il considère ce qu'il a fait en début de prière avec l'imam, c'est son début à lui, ou alors il le considère comme sa fin de prière? Et là aussi les avis sont partagés. Il y a des savants qui ont dit que ce qu'il fait avec l'imam, c'est son début à lui. Et donc, quand l'imam aura fait le salam, il termine. Ce qui lui manque, il lui manque une raka'a, pour lui ça sera sa dernière raka'a. Il lui manque deux raka'a, pour lui ça sera ses deux dernières raka'a. D'autres ont dit, non, ce qu'il a fait avec l'imam, c'était la fin pour l'imam, mais pour lui c'était le début. D'accord? Et donc, lorsque il a fini sa prière, eh ben, il rattrapera les rak'at qu'il n'a pas faites. Il fera les rak'at qu'il a qui l'a pas faite. Je vous ai un peu... Vous avez compris ou pas? Oui? J'ai l'impression que... Bon, je vais recommencer. Pour que vous compreniez bien. Donc, quand quelqu'un entre dans une prière, et que l'imam a déjà commencé avant lui, il le devance d'une, deux ou trois rakas. D'accord? Donc, quand lui il est arrivé, disons par exemple, il est arrivé à la troisième rakat de Maghreb. L'imam récite à voix basse. Donc lui il est arrivé, il a récité aussi à voix basse. D'accord? L'imam il fait le salam. Il lui manque deux rakats. Est-ce que les deux rakats qui lui manquent, il les considère comme ses deux dernières ou ses deux premières? Il y a des savants qui ont dit, il les considère comme ses deux premières, et d'autres ont dit qu'il les considère comme ses deux dernières. Voilà. Et chacun a donné son explication. Et chacun a donné son explication là-dessus. Et c'est des avis qui sont partagés. Donc, pour la prière de l'Maghrib, c'est lui qui considère que il doit rattraper la rak'at qu'il n'a pas faite, donc il va faire deux rak'at à voix haute. Parce que c'est ce qu'il n'a pas fait. Pour l'autre avis, il fera une rak'at à voix haute et une rak'at à voix basse. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Voilà. Mais une chose aussi, quand on rattrape, on ne fait jamais, quand on rattrape de la rak'at, deux rak'at sans un, sans quoi? Sans le tashahhud. C'est-à-dire, j'ai fait une rak'at avec l'imam, j'ai fait le tashahhud final de l'imam, je me suis relevé, je rajoute une rak'at, pour moi c'est ma deuxième. Donc je dois m'asseoir pour faire le tashahhud. Donc là vous retenez ça, je ne fais jamais deux rak'at sans faire le tashahhud. Vous retenez ça, c'est bon. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا رواه البخاري. Donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: incline-toi jusqu'à être bien apaisé dans ton inclinement et relève-toi de cet inclinement jusqu'à être bien apaisé debout. Puis prosterne-toi jusqu'à être bien apaisé dans ta prosternation. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: idha sajadta tad' kaffayka warfa' mirfaqayka. Rawahu Muslim. Et dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu te prosternes, pose tes mains et lève tes avant-bras. Hein? On ne doit pas se prosterner comme ça, avec tout l'avant-bras et les mains posées à terre. Non, c'est, on s'appuie sur les mains et on lève les avant-bras. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wassujud. Rawahu Muslim. Et dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis votre imam, donc ne me devancez pas ni dans l'inclinaison ni dans la prosternation. Et les mêmes dans la sunna demandé que on fait le geste après que l'imam l'ait fait. Quand l'imam a fini de dire Allahu Akbar, à ce moment-là, nous, on commence à le dire. Quand l'imam, il est incliné, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'incliner. Quand l'imam s'est relevé, à ce moment-là, on commence à se relever. Quand l'imam, il est prosterné, c'est à ce moment-là qu'on se prosterne. On ne le devance pas et on ne fait pas les gestes au même moment que lui. Sinon, il n'est plus lui, l'imam, alors. Si on fait en même temps, c'est qui l'imam? Subhanallah. Et si on fait avant lui, eh ben on a changé l'imam. C'est les gens de derrière qui deviennent l'imam. Donc l'imam, il est là pour être suivi. Et on fait les gestes après lui. Après lui, on fait les gestes. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله. صحيح رواه الترمذي. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la première chose sur laquelle le serviteur, le jugement dernier, il est questionné, il est jugé, c'est sur la prière. Si la prière est bonne, alors le restant de ses œuvres seront bons. Et si sa prière est mauvaise, alors le restant de ses œuvres sont mauvaises. Hadith authentique, rapporté par l'imam al-Tabarani, rahimahullah. C'est normal, si quelqu'un se fiche de savoir si ta prière elle est bonne ou pas, s'il l'accomplit convenablement ou pas, alors que c'est l'acte le plus important, que dire des autres actes? Subhanallah. S'il a été négligent dans l'acte le plus important, mais que dire des autres actes? Subhanallah. Et si vraiment il prête attention à sa prière, et il essaie de la rendre valide, et bonne, et authentique, eh ben, il fera de même avec les autres œuvres. Donc les œuvres, elles suivent la prière, en bien ou en mal. Salatul musafir fil barri wal bahri wal ta'ira. La prière du voyageur, que ce soit sur terre, sur mer ou dans l'avion. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et si vous êtes en voyage, il n'y a pas de mal pour vous de raccourcir votre prière. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما nous dit, Allah a ordonné la prière sur la langue de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'est pas en voyage, 4 rak'a, c'est les prières à 4 rak'a, et lorsqu'il est en voyage, 2 rak'a, et dans les situations de peur, de guerre, 1 rak'a, rapporté par Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, sadaqatun, tasaddaqallahu biha alaykum, faqbalu sadaqatah. Rawahu Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le raccourcissement de la prière du voyageur, c'est une aumône qui vous a été donnée par Allah, alors acceptez l'aumône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Muslim. Wa qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqsuru as-salata ar-ruba'iyyah فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية. Donc l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous dit, et le prophète عليه الصلاة والسلام avait pour habitude de raccourcir les prières à 4 rak'as, qui devenait des prières à 2 rak'ah. Depuis qu'il est sorti pour le voyage jusqu'à son retour à Médine. Et il n'a jamais été rapporté par un texte authentique que le prophète sallam, en état de voyage, a fait la prière à 4 rak'ah, 4 rak'ah. Ça n'a jamais été rapporté. Il a toujours fait 2 rak'ah pour les prières à 4 rak'ah. Wal maghrib tabqa ala haliha 3 rak'ah. Et la prière du Maghrib, elle reste dans son état, comme elle est, à 3 rak'a. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Et les imams n'ont pas divergé là-dessus. الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. De regrouper deux prières. Là, on a parlé de raccourcir les prières à 4 rak'a. Ça, c'est une chose. Maintenant, on parle de regroupement de prières. الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. Le regroupement de deux prières. يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا. وبين المغرب والعشاء كذلك في الحالات الآتية. Il est permis de regrouper entre la prière de Zuhr et la prière de l'Asr un regroupement à l'heure de la première ou alors à l'heure de la seconde. Si c'est à l'heure de la première, on appelle ça jam'u taqdim. Et si c'est à l'heure de la seconde, on appelle ça jam'u ta'khir. Et aussi entre le maghrib et l'isha de même. Soit à l'heure de le maghrib ou soit à l'heure de l'isha. Dans les situations suivantes. Al-jam'u bi'arafah wa muzdalifah. De regrouper dans la plaine de Arafat ainsi que de Muzdalifa. Ça c'est pendant le pèlerinage, le Hajj. اتفق العلماء أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. Les savants sont unanimes sur le fait que de regrouper entre la prière de Zuhr et la prière de l'Asr à l'heure de Zuhr à Arafah et de regrouper Al-Maghrib ou Al-Isha à l'heure de l'Isha à Muzdalifa est une sunnah vu l'agissement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, quand on est à Arafah et qu'il y a Zuhr et l'Asr entre, la sunnah veut qu'on les prie à l'heure de Zuhr les deux et non pas à l'heure de l'Asr. On fait un jam taqdim. On fait pas l'autre. Et Al-Maghrib ou Al-Isha, on les fait à Muzdalifa après avoir quitté Arafah. Bien que le Maghrib est déjà rentré, mais on ne le prie pas. On le garde pour le prier avec l'Isha, jam ta'khir. Et voilà la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Al-jam'u bayna salatayn fi safar fi waqti ihdahima jaiz. De regrouper deux prières dans l'horaire de l'une des deux prières est un acte permis. Les qawli Anas radiyallahu anhu, pour la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس أي بعد الزوال قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. دون ذكر حديث Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam avait pour habitude, lorsqu'il voulait accomplir un voyage, avant l'heure de Zuhr, avant que le soleil ait penché de l'horizon, puis ça devient l'heure de Zuhr, et bien il garde la prière de Zuhr jusqu'à l'heure de l'Asr pour le regrouper avec l'Asr pendant son voyage. Donc, si c'était avant l'entrée de Zuhr, eh bien, il partait, et lorsque l'heure de l'Asr arrivait en chemin, il s'arrêtait pour faire Zuhr et l'Asr. Et si il voulait voyager après que le soleil s'est incliné du zénith, c'est-à-dire que l'heure de Zuhr est entrée, alors avant de voyager, il accomplissait la prière de Zuhr, puis il montait sur sa monture, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم يا أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله أفاد صليب مستخرج مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فزالت الشمس أي دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل انظر سبل السلام. دوك Et dans la version d'Abu Nu'aym, il y a une explication qui est ajoutée par rapport au hadith de Bukhari Muslim de Anas ibn Malik, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait voyager, et que le soleil s'était incliné du zénith, que l'heure de Zohor était entrée, alors il priait le Zohor et l'Asr en même temps, à l'heure de Zohor, puis il partait en voyage. Et le Talmud dit, on voit Subul Salam, et dit, regarde dans le livre, Subul Salam, qui est un commentaire de... Oui, Boulour al-Maram. Et Subul Salam, il est de... De l'imam Sam'ani. Et Boulour al-Maram, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, Rahimallah, Al-Jami'a. يفيد الحديث أن جمع التقديم جائز وفي الحديث الذي قبله يفيد جمع التأخير donc dans ce hadith hein, on y comprend quoi qu'il est permis de regrouper à l'heure de la première salat et dans le hadith précédent on comprend qu'il est permis de regrouper les prières à l'heure de la seconde prière تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة حسب ما تسير بالمصلي ويجوز الجمع فيها La prière est valide, que ce soit dans le bateau, ou dans le train, ou dans l'avion, hein, selon la possibilité de la personne, il fait comme il peut. ويجوز الجمع فيها, et il est aussi permis de regrouper dans ces montures. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة car le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné sur la prière dans le bateau فقال il dit صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu à celui qui le questionna sur la prière dans le bateau il lui a dit prie debout sauf si tu as peur de couler sauf si tu as peur de couler. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. Authentifié par الحاكم, l'accepté par الذهبي. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et Inch'Allah, le prochain cours, ça sera samedi prochain, après Al-Asr. Inch'Allah. Je me suis arrêté là parce que, après avoir entré dans la prière du malade, et ce sera pour le cours prochain, Inch'Allah. Doucement, qui reprennent leur place. Je t'écoute. Alors, en fait, tout à l'heure, tu as dit que l'imam, on fait tout après lui, enfin, que ça s'en recoupe, ce jour. On fait après lui. Voilà, mais au moment qu'il dit, mais au moment qu'il dit Amin, on a déjà parlé de ça.